Je suis parti ce matin même, encore sous de la nuit, mépris comme d'écœurement suprême, crachant mes adieux à Paris. Et me voilà ma bonne femme, oui foutu comme quatre sous. Mon linge est sale, aussi mon âme, me voilà chez nous. Ma pauvre mère est en lessive. Maman ? Maman, ton mauvais gars arrive au bon moment. Voici ce linge où goûte à maintes et maintes fois un vin amer où des garces aux lèvres peintes ont torché leur bouche d'enfer. Et voici mon âme plus grise des mêmes souillures hélas que le plastron de ma chemise gris-rose et lilas. Ma pauvre mère est en lessive. Maman ? Maman, ton mauvais gars arrive au bon moment. Tout comme le linge confie sa honte à la douceur de l'eau. Je te raconte ma vie malheureuse, d'affreux salaud. Ainsi qu'on rince à la fontaine le linge sortir du cuvier. Mère, arrose mon âme en peine d'un peu de pitié. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, maman, ton mauvais gars arrive au bon moment. Et lorsque tu viendras étendre le linge d'iris parfumé, tout blanc, parmi la blancheur tendre de la haie où fleurit le mai, je veux voir mon âme encore pure, en dépit de son long sommeil dans la douleur et dans l'ordure, revivre au soleil. Ma pauvre mère est en lessive. Maman ! Maman, ton mauvais gars arrive au bon moment. Maman, ton mauvais gars arrive au bon moment.